she was sitting in my ear, you think that she knew me. Decided to cheat. Oh, conversation got heavy. She had me feeling like she's ready to blow. Oh, watch out! Oh, oh, watch out! She's saying, come get me. Come get so me. I got up and followed her to the floor. She said, baby, let's go. When I let's told go. Her, I said, so they got down. She said, come get me. Yeah, yeah. I got so caught up in what she told me. Yeah, yeah. Took my girl, she did the best to hold me. Yeah, next thing I knew, she was all up on me screaming. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Here, and it won't leave me alone. These wounds won't. love did. And there comes a time in our lives when things change. It's a brand new day. And maybe I'll spend it with you. Do you wanna share my love split? I long for the day when I'm feeling your kiss. You're not me for a lifetime, but just in one night. I'm helpless for you, baby, but it's alright. Got that twisted on ice like a gangster lean. Hands surrounding them dice like security. At the party in the Ritz-Carlton's penthouse suite. All my thugs in me, breath smelling like Hennessy. Got a few friends flying in from San Diego. It's a surprise party for my homie J-Lo. Skin, I got you under my skin. En Irak, la trêve est maintenue jusqu'à demain. Fallujah, le cœur de la résistance sunnite. Aujourd'hui, ce cessez-le-feu a été à peu près respecté. L'occasion pour les habitants d'enterrer leurs morts. Véhicule accidenté, cette fois sur la bande d'arrêt d'urgence, donc il ne gêne pas directement la circulation, mais soyez vigilants car il y a les services de secours sur place, car on dénombre plusieurs blessés dans ces deux véhicules. Dans un instant, gros plan sur les capitaines de soirée. Cause of her.

is one. Number one hit music station. The number one hit music station. I'm so tired. seront en revanche dans l'ensemble plus clémentes qu'aujourd'hui pour la plupart voisines de 15 degrés. Le mercure atteindra 16 à Paris, jusqu'à 18 à Nîmes et Marseille. Fraîcheur persistante cependant autour des Pyrénées, maximum de 8 degrés à Tarbes, 12 à Biarritz. Et température en baisse sur la Corse, 13 degrés à Ajaccio. Il faut dire que le ciel de la Corse sera particulièrement chargé, avec de la pluie une grande partie de la journée. Et du côté des Pyrénées, jusqu'au Pays Basque et au Midi Toulousain, le temps sera également maussade, des averses neigeuses à 900 mètres. Sur le massif central, ciel nuageux, mais les pluies disparaîtront. Sur les Alpes, belles éclaircies au cours de la journée, nuages et quelques flocons vers le soir. Des nuages s'installeront également dans l'après-midi sur la Côte d'Azur, plus tardivement en Provence. Soleil et tramontane pour le Languedoc. Après quelques nuages bas matinaux, belles éclaircies de l'Alsace aux Ardennes, de la Bourgogne à l'Île-de-France, du centre et de la Gironde au Val-de-Loire. Ciel devenant nuageux l'après-midi en Bretagne, Normandie, Picardie et Nord. Le son des tam tam artiste au énergie so my soul sisters let me hear your flow sisters hey sister go sister soul sister flow sister. Oh. Nine to five, find the grave. down. Mulan rules. Mr. Mina here. Yeah. Bon week-end sur le 103.6, il est bientôt 13h, c'est l'heure d'accueillir Philippe Morax, Philippe qui revient, revient de l'amnésie. Philippe, viens là au micro. Ça s'est passé comment hier soir? Eh ben plutôt sympa, c'était bien. Ça a dragué à l'amnésie. Hier soir je travaillais pas, hein. Hier soir je me suis arrêté en public. Oui, oui, ah, t'étais dans le public de l'amnésie. J'ai dragué. Philippe Morax avec vous jusqu'à 17h, heure à laquelle vous allez retrouver l'Euro 30, le classement de tous les hits européens d'énergie, le dimanche tranquillou quoi. Tranquillou. Philippe, tu nous as préparé quoi? Plein de surprises. Des surprises. Et surtout plein de hits jusqu'à 17h. Je vous laisse découvrir ça dans 10 minutes. C'était Julien. On se donne rencard demain lundi à partir de 15h sur la planète Hit. Passez un bon week-end, à demain, take care. Énergie, énergie, t'invite à rencontrer. The hits. DRS3. Get down on it. Hi, we're Mystique and you're listening to The Chart Show on DRS3 with Sven. In den Fußstapfen von Destiny's Child, die drei Mädels von Mystique. Und jetzt rocken sie ab hier am Sonntagnachmittag auf DRS3. I said, get up, it's a one-night stand. Here I come again with my rhyming slang. Well, si différents les uns des autres. Permettons-nous d'être différents. Deuxième chose que nous voyons, unité. Cinéma d'animation. C'est qu'il faut essayer quand même de rester zen. Et je vous propose de passer de la musique et les meilleurs des hits sur Énergie en restant zen, bien sûr, et en vous souhaitant un très bon dimanche avec nous. Énergie, énergie, t'invite à... Avec au programme à 22h, Newcomer avec DJ Seb. À 23h, DJ Denis P, résident du Macumba. À 2h30, en guest, DJ Tillman Urmacher, spécialiste de progressive. Et à 4h, Final Act avec le retour de DJ Denis P. Pour vos invitations, ça se passe dès demain dans Party One et 100% One. Soyez au rendez-vous. Pour la suite de la musique, c'est The Dandy Warhols qui arrive, Marc Anthony ou encore Stardust. Bon week-end. Jetzt lassen wir rein, das sind die drei Mädels von Mystique. Ihre Single heißt One Night Stand. Hear the sounds of the DJ playing a jam. Glance down, grab a man, move to the floor, it's time to get down. Hi, we're Mystique and you're listening to DRS3. Get up on a mic up on the MIC. Platz 31. Girls gonna get get my hair done, so I dress up with my heels high, and I think about the moves I'ma pull tonight when I roll up. Guys looking over like they want some. Make way, sexy, for me and my lady. Hands down to the DJ playing our jam. Cast down. Hello, this is Ricky Martin, and you're listening to Energy. Hi, I'm Mariah Carey, and you're listening to Energy. Hey, yo, this is Slim Shady, and you're listening to Energy. This is Mary J. Blige, and you're listening to Energy. We're Destiny's Child on Energy. Hit music on. Yo, this is Shaggy speaking on Energy. Hi, this is Fran, and I'm from Travis. Energy hits music only. Les plus grands sont avec Energy. Von den offiziellen Schweizer CD-Charts. Und dort hat zwei Plätze verloren. Der Tiziano Ferro. Sein Album heisst Rosso Relativo. Music sounds better. DRS3, the official Swiss countdown. Und wir bleiben noch ein bisschen in den CD-Charts. Und zwar bei Stained. It's been a while heisst die aktuelle Single. Break the Cycle ist am 19. Platz. Führen aufs 32. Und US Gruncher spielt am 12. Februar im Volkshaus in Zürich. Am 13. gibt es der 3 Rock Special ab den 9. mit einem halbstündigen Live-Mitschnitt und einer signierten E-Gitarre. Excellent dimanche, c'est Philippe Henrex avec vous, bienvenue. Und zwar starten wir in die Schweizer Top 30, die 30 besten Singles von den letzten 7 Tagen. Und hasta siempre, que viva la revolución. Rappero numero uno, el grito en la canción. Soy en el papel. Schon dabei beim Meet and Greet vom Konzert von Garo in Genf. Wir möchten wissen, aus welchem Land kommt der Garo. Wenn ihr es wisst, 01-419-33-33. Es geht um einen zweiten Finalteilnehmer oder die zweite Finalteilnehmerin. Aus welchem Land kommt der Garo? 01-419-33-33. Wie gibt es mehr von diesem Mann? Coming up on DRS3. Und wir sind bei Scooter und Ramp. 25. America, I went to a Allora in giro così un po' a prendere un po' d'aria fresca. Passa la giornata. Briard possédait une petite église. We used to maintain while the step in the crib walking over music talking. Hard times get softer at spots we hit often. Off in a loft, basement party or strip club. Good times, good wine, got us keep the trick dubs. It's up to you, I ain't gonna tell you where your hands should be. Like the ghost of Marvin, come on and dance with me. So look at the children grow. bleiben. Uno mit oder... I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true. And find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love. Your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. J'aimerais bien faire une petite pub là. 600 balles. 600 balles. Bon alors vas-y. Donc l'entreprise HH. Donc c'est HH. Je ne n'irai pas plus loin parce que vous savez, il y a aussi les concurrents. Les concurrents qui nous... Vas-y, passe la deuxième vitesse, s'il te plaît. Ouais, et en gros, sérieux deux secondes, Edouard. Ah non, la branche, c'est quoi? Ma branche. Ouais, dans moi, quelle branche? Plutôt mathématique. Plutôt mathématique. Voilà. Ah, c'est pour ça. Mais encore. Mais j'irai plus loin. Oui. J'irai jusqu'à être prof de mathématiques. Prof de mathématiques. Ah oui. Non, c'est ce que je suis en ce moment, je... J'ai des élèves très perturbants, j'arrive peu à faire mon boulot. Ah, c'est difficile la vie, hein. Ah non, ça c'est sûr, surtout quand on a un petit gars qui te colle au cul, te renifle les fesses, il peut pas te lâcher, et toi t'es là, tu marches, mais tu continues à marcher. Propose un truc, ouais. C'est que le Edouard, on le retrouve dans un petit moment. Voilà. Hein, tu vas réfléchir à tout ce que tu vas dire. Tu rassembles un peu tes idées, Edouard. Et bien, on revient dans un instant. D'accord. Avec toi. Nous avons toujours en ligne. On a attends, hein, parce que j'aimerais bien quand même que Nico nous explique un peu l'emploi du temps type de la journée pour ressentir un peu le... Als neutrale Startzeit offen habe ich die dabei. Grün fürs ausgeprägt. Vraiment en avant, voilà, ah oui, c'est pour avoir l'impression d'avoir des seins. Tu te sens dardé. Très bien. Bisous Gaël si tu nous écoutes au passage. Donc bon, vous passez 10 minutes à régler votre chaise et 8h10, c'est connu, c'est la pause café. Donc vous descendez et tout, jusqu'à environ 8h30, parce qu'il faut descendre au troisième étage, il faut le temps que tous les... Bravissima. Oui. Lei cosa ha fatto? 091 o 084? Ho fatto l'altro che ha detto lei, ma era sbagliato. Ah, era sbagliato. Allora ho fatto 091. E vabbè, allora ho sbagliato io. Ha ecco. Sbagliato lei, non ho sbagliato io. Come ha detto lei. L'ho detto, sono innamorato. Infatti. Non le dico di chi è. Bene, ma non lo voglio neanche sapere. E invece glielo dico. Lo vuoi sapere? Non. Glielo dico. On est sous le bras, passer son temps à la photocopieuse, ceci, cela. Oh non, pas souvent, non. Oh, bah une petite feuille éventuellement, mais pas plus. Hein. Oui, mais si tu fais 800 fois la même photocopie, t'as aussi le coup d'arroser la petite plante. T'as ta petite plante, tu vas chercher de l'eau. Bon. entendez, plusieurs. Dans le cul. Arrêtez les gars, on va être ridicule. Party World. Retrouve le meilleur de la messagerie tous les dimanches dans la libre antenne entre 20h et 22h. Now, ladies and gentlemen. Ouais, je passais juste un truc, c'était bien nous, hein. Je me rappelais pas qu'on avait fait ça. Si, on a fait ça. Je me souviens d'en avoir fait, mais pas que c'était comme ça. Ce qui me marre, c'est que personne ne nous a reconnus. Et pourtant, c'est bien nous, hein. Pas mal comme idée, ça, appeler la messagerie pour glander au boulot. Hey, tu prépares déjà pendant une demi-heure ton petit speech, tu prépares tes conneries avec tes collègues, t'appelles 022 807 170, tu passes une demi-heure à glander pour la messagerie. Bonne idée. On appelle ? On va laisser un message, alors qu'est-ce qu'on laisse ? Je vous laisse faire, hein. Moi, je vais glander. 022 807 170. Bienvenue sur la messagerie. Tu peux appeler jour et nuit pour laisser tous tes messages d'anniversaire, dédicaces, déclarations, délires, coups de gueule et petites annonces. Pour t'écouter, branche-toi sur OneFM entre 19h et 20h. C'est à toi, juste après ça. Oui, bonjour Lionel, en direct de OneFM, en pleine libre antenne sur la glande. Donc moi je trouve que Aurélien glande pas mal puisque son émission c'est un répondeur automatique qui l'a fait. C'est un peu facile. Donc Aurélien, faudrait voir pour être là 24h sur 24 afin de récupérer les messages. Sinon, bah, t'embrasses plus tout le monde pour moi. Hein. Je crois que Nico aurait quelque chose à dire. Ouais, donc tant qu'à faire, moi j'en rajoute aussi. Le bon plan, tiens, pendant que j'y pense, vu qu'on peut en parler, si jamais vous voulez glander, envoyez des mails à vos potes, pourquoi pas, avec un site le plus con, www.ifrance.com/leplus con. Je vous laisse voir le petit message qu'il y a dessus, ça vous plaira. C'est vrai? Ouais. C'est vrai. Allez, va voir. Super. Bon, il y en a un autre qui a trouvé un truc pour glander. C'est, excuse-moi, je suis pas bien aujourd'hui, de toute façon. C'est Marty, puisqu'il nous dit, je vous laisse meubler, moi, je vais à côté. Pas le bête, ça. Ouais, allez, on va le chercher. Hein. Ouais, on va aller le chercher. C'est une chose qui est claire. 022 807 1040. 022 807 1040. Libre antenne OneFM. I'm not afraid to considère les choses. Je ne suis pas ton idéal. Écoute ce que je te propose. Descends-moi de mon piédestal. Je ne suis pas celle qu'on dispose en jolie statue de cristal. Je préfère quand on... Terminus. Dans les bons plans pour glander, il y a passé trois quarts d'heure aux toilettes par exemple, on va croire qu'on est malade, mais vous, si ça vous arrive, vous faites comment là? Alors on a des toilettes quand même qui sont installées à chaque terminus. Au terminus, ouais. Voilà, pas tous. Et bah, aussi, s'il faut